Avalon à l'instant sur Galaxy, juste avant c'était Next Stop Chicago. La suite de la musique c'est avec Sunset Drive pour commencer avec Faces. Il y aura aussi du Zaz et Division of Funky pour le souvenir. Galaxy, le meilleur de la scène électronique. Galaxy. music remains on top. Funky. We'll be right back. Andrea et Andy Funk avec le titre Blau sur la belle Zero Volume. Juste avant, c'était bien sûr l'excellent Alex Godino avec Destination Calabria, disponible sur la belle Rise Records. La suite de la musique dans un instant avec pas mal de choses, notamment Funk Harmony Park, le tout dernier. Il y aura aussi du Hard Cost et Aria avec le titre Magenta, disponible sur la compilation Solid Sounds. Et puis également du Dafresh avec le Broken Dream, suivi de Disco Blue en souvenir. Ça, c'est d'ici une petite poignée de secondes. Can't you see? galaxy. Music, music, music. Music remains on top. We'll be right back. Galaxy. Save the rhythm. Save the rhythm. There's a void where there should be ecstasy. Instant avec Disco Blue, c'était bien sûr le fameux Disco Blue sorti en 1996. La suite de la musique, c'est avec un extrait de la compilation H2O avec Mason Exceder, et juste après ce sera Denmo 5 avec l'excellent titre Faxing Berlin. Galaxy. Galaxy. Welcome to the world of music. Galaxy, the best house and techno records. say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good.

Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Un instant sur Galaxy par Roger Sanchez. Juste avant, c'était Mason avec le titre Exceeder, extrait de la compilation H2O Electro Feelings. Et juste encore avant, c'était un extrait de la compilation Solid Sounds, le 2007.1 avec Audion, Mousse to Mousse. La suite sur Galaxy, toujours en bonne musique avec le Madonna, extrait de son dernier DVD. Voici Erotica. Thank you. Galaxy. Galaxy. Welcome to the world of music. À l'instant sur Galaxy avec le Forever Mine, c'était la version originale. Petite pause et juste après ce sera le Ciao Bella remixé par Eric Neo sur la belle Beat Disaster. Galaxy. Only scène électronique. Sur Galaxy avec Anagram, le remix de Chris Nemo, la suite de musique avec le Switch, remixé par Eric Price. Et juste derrière, ce sera Zaz avec Feel For You. Galaxy. Don't stop music. We'll be right back. 95, 3. You Mate à l'instant sur Galaxy avec le Love Stimulation remixé par Paul Van Dyk, de très très loin la meilleure version du Maxi CD qui était sorti en 1993 sur le label Mastermind for Success. La suite de musique avec Monks pour commencer avec le Goggles EP sur le label Lowriders, et juste après ce sera Junior Jack. Music remains on top. Yeah. Galaxy. Galaxy, the best house.